En 2025, Fat Jet fête ses 40 ans. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fat Jet, c'est EDM Fat Jet. Et c'est parti pour cette émission spéciale, ce marathon de votre radio préférée, l'anniversaire, les 40 ans. Horaire spécial, donc 22h minuit, je suis accompagné de Davy. Avec moi. Oui, tout à fait. Bonsoir à toi. Bonsoir, merci d'être avec moi, m'accompagner dans cette émission. Donc c'est une grande première en direct ce soir. Oui. Avec un gros programme, hein, c'est promis, on va se faire plaisir, on va s'ambiancer ce soir, en ce samedi soir, avec alors une première heure assez à froid housse. On va démarrer tranquillement pour monter petit à petit, hein, avec des bons gros sons, des classiques. Et on aura dans quelques instants David Guetta, Love Don't Let Me Go, ça fait partie des sons collector, c'est ce qui a lancé sa carrière à David Guetta. On aura le son de UGL Forever, Rafa Guindo Famax. Et on débute avec le son de l'été dernier, Adam Porth, le son de Move, pour débuter cette émission de DM Fat Jet. Allez, c'est parti, on monte le son, c'est les 40 ans de Fat Jet. On est là jusqu'à au moins 3h du matin, et pour Mathieu, c'est jusqu'à minuit. Thank you. EDM Fadjet, Mathieu G. I found my way to where you are. Mathieu G mix en live sur Fadjet. You got me dancing. EDM Fadjet, les meilleurs sons club mixés par Mathieu G. La reprise de My Love était sortie il y a quelques années, ce son avec Route 94, remixé version Afro House avec le DJ Alex Wayne à l'instant sur Fadjet. Et ben en direct, je suis accompagné de David toujours, oui, à la régie avec moi. Voilà. Passe une bonne soirée David. Ah tout à fait, du bon son électro là. Et ben la suite du son, on va se faire dans un instant Laurent Wolf en souvenir avec le No Stress. On aura le son de Yamor avec le Foscast, Alain Brax intro et là un pilier de la dance music. Ça fait des générations que ce DJ exerce. Il s'appelle Seron. Le son s'appelle A Part of You. Ça fait partie vraiment des artistes classiques de la scène française. Et bien, on s'écoute maintenant sur Fadjet, EDM Fadjet, jusqu'à minuit. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2 et partout en Europe sur le net, www.fadjet.net. Fadjet, Mathieu G. not depressing, 'cause I'm feeling so high. I left all my worries behind. Oh, oh. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. EDM Fadjet, Mathieu Gémis. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2 et partout en Europe sur le net, www.fadjet.net. Thank you. À l'instant, le remix de Armin Van Buuren à I Need For Love, sorti dans les années 2008. Et tu me disais que t'étais fan de son, toi, De trance, oui. Ça fait vraiment partie des classiques, hein, d'Armin. Hein. Tout à fait. Ça a lancé sa carrière et exactement. On voit où ça mène maintenant avec les High State of Trance, comme tu viens de nous dire. Exactement. C'est des sacrés shows qui sont à chaque fois complets. Tout à fait, partout. Exactement. Et le prochain, c'est dans 15 jours, justement. Dans 15 jours. La State of Trance, donc aux Pays-Bas. Et qui est d'ores et déjà presque sold out, non? Pardon? Presque sold out. Ah oui, bah, 99% on est. Alors pour les chanceux, bah, dépêchez-vous et chopez vos billets pour ce DJ qui est vraiment superbe à voir en live. Hein. Oh oui. Allez, on vous emmène tranquillement jusqu'à 23h pour cette deuxième Fat Jet pendant 2h. Et on enchaîne avec Oliver Heldens. Ce son-là aussi, il est pas mal en termes d'électro. Oliver Heldens avec le son de Shine pour continuer cette émission. Et on est toujours dans la 27e heure de direct pour les 40 ans de Fat Jet. 22h50, passez une très très belle soirée. Say I'm timeless. La reprise à l'instant de Riton par Nicky Romero. Le son s'appelle Where You Do Go. Et on clôture cette première heure de Dame Fadjet. C'est vraiment du bon sens, hein. Je connaissais pas ce remix-là, mais vraiment bien. Ça met en appétit, hein. Ça nous donne appétit pour la deuxième heure à venir. Tout à fait. Vous êtes en plein cœur de la 25e heure de Fadjet en direct pour cet anniversaire, avec donc en mode clubbing. En mode EDM, oui. Ouais. Ouais, exactement, mode clubbing EDM jusqu'à au moins 3h du matin. La nuit va être longue. Exactement. Eh bien, il est 23h.